One, two, three, four! Génération 60, le son des 60s. Ah! Salut, c'est Mike L'Écuyer. Going back in time on the sounds of the nation, it's a Caroline flashback. Spécial 1969 avec pour commencer le fabuleux 45 tours, le single des Beatles, Get Back et Don't Let Me Down. Get Back, c'est une composition de Paul McCartney, les Beatles. Les deux titres ont été enregistrés début 1969 et le simple est paru en mai, je crois, 1969. Voici la deuxième face, Don't Let Me Down, une composition de John Lennon, les Beatles. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Habituellement, au milieu de l'émission, c'est la séquence Frenchie. Mais là, nous allons faire un petit tour du côté de l'Italie, car en 1969 est paru un film, un chef-d'œuvre. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Et vous connaissez tous forcément la musique de Ennio Morricone, l'homme à l'harmonica. Thank you. music means B-I-T-L. Wonderful Radio London. Whoopee. Retour en Angleterre avec de sacrés pistoleros, les Rolling Stones. C'est le dernier 45 tours des Stones des années 60 et c'est le premier avec le nouveau guitariste Mick Taylor qui remplace Brian Jones. D'ailleurs, ce dernier va décéder quelques jours seulement avant la parution de ce 45 tours en juillet 1969. La face A, c'est Honky Tonk Woman. Et la face B, You Can't Always Get What You Want. Tout d'abord, Honky Tonk Woman, les Stones. Face B, c'est donc « You can't always get what you want », une composition principalement de Mick Jagger. Hein, mais c'est un peu comme pour les Beatles. Chez les Stones, on signe toujours Jagger Richard, comme pour les Beatles, on signe Lennon-McCartney. Mais chacun, en réalité, en écrit certaines complètement seules. Et puis certaines à deux, et puis voilà, on sait la tambouille de la musique. En tout cas, sur ce morceau, c'est Jim Miller qui joue de la batterie, car Charlie Watts n'arrivait pas à trouver le bon groove. Et puis, il y a des magnifiques chœurs, du London Back Choir. Enfin, tout ça donne une chanson très très spéciale, très différente de la musique habituelle des Stones, mais c'est devenu un espèce de standard. Même les bluesmen la reprennent. You can't always get what you want, the Rolling Stones. I saw you, at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh, yeah. Woo! You're just my fan, it's not just a fucking come on to me.